Alors, de retour à Futur Simple pour en fait la deuxième partie de l'émission. Alors, nous allons nous offrir un petit plongeon dans l'eau de mer avec Nicolas Garceau. Bonjour, Nicolas. Bonjour, François. Alors, Nicolas, en fait, comme ça a été le cas pour les chroniqueuses qui t'ont précédé, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. En gros, je suis biologiste. J'ai fait ma maîtrise à l'INRS ici à Québec en sciences de l'eau, d'où un peu le lien avec le thème de ma chronique d'aujourd'hui. Alors, on va revenir effectivement à cette chronique. Alors, l'eau, en fait, on s'en sert tous les jours pour se laver, pour cuisiner, pour faire la vaisselle, pour l'agriculture et évidemment pour boire. Mais qu'est-ce qui arriverait si l'eau devenait si rare que nous devrions la rationner? En fait, c'est assez difficile à imaginer au Québec, mais pourtant, c'est une réalité qui existe dans bien des pays et les changements climatiques risquent d'empirer la situation. Alors, de nouvelles technologies de désalinisation de l'eau de mer pourraient peut-être offrir une solution. Alors, quelles sont ces technologies? C'est ce qu'on va voir avec Nicolas. Oui, en effet, comme tu l'as mentionné, François, c'est assez difficile d'imaginer ici au Québec une pénurie d'eau. On est assez chanceux là-dessus. 1 million de lacs au Québec, là. À peu près, là. Mais par contre, il faut se rappeler que quand on parle d'eau potable, il y a seulement 0,8% de la totalité de l'eau de la planète qui est disponible comme eau douce. C'est un fait, là. C'est, dans le fond, on le retrouve dans les lacs, les rivières, puis les eaux souterraines. Le reste de l'eau de l'eau potable n'est pas tout à fait disponible puisqu'on le retrouve plus dans les glaciers puis dans les neiges éternelles. C'est comme une réserve, en fait. Oui, si on veut. La plus grande partie de l'eau de la planète, soit 97,5%, est malheureusement salée et on ne peut pas la consommer directement. La consommer, effectivement. 97,5, autrement dit, la pénurie d'eau ne concerne que l'eau douce. Oui, en effet. Parce que l'eau, il y en a en masse. En effet, il y en a énormément, mais malheureusement, on ne peut pas la consommer. Fait qu'imaginez avoir accès aux océans comme réserve d'eau potable. Ça serait vraiment génial. Ça serait infini, là. Presque infini. Mais d'ailleurs, justement, il y a beaucoup de pays qui ont pensé à cette solution. Ils se sont dit, mais voilà la solution miracle, la panacée à mon problème d'accès à l'eau potable. Et dans surtout les pays du Moyen-Orient, ils y avaient pensé un peu avant nous, la désalinisation de l'eau de mer a commencé dans les années 70. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 pays à travers la planète qui utilisent ces procédés. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de pays qui utilisent en fait cette source comme eau potable? Bien, principalement parce que les méthodes actuelles requièrent énormément d'énergie. Et donc, les coûts pour produire de l'eau potable à partir de l'eau salée sont très, très, très élevés. La plupart du temps, l'énergie est fournie par des centrales au charbon, au gaz ou même par des centrales nucléaires. La production d'eau douce à partir de l'eau de mer est donc directement influencée par les coûts de l'énergie. C'est vraiment l'obstacle majeur, parce que le coût en moyenne de l'eau dessalée, c'est environ 4 à 5 fois plus élevé que l'eau douce conventionnelle. C'est quand même considérable. C'est quand même assez important. Il y aurait peut-être ici une solution du côté des nouvelles technologies. En fait, on parle d'osmose directe, de biomimétique et de nanotechnologie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en effet. Ça, c'est trois nouvelles technologies qui sont sur le point d'être commercialisées. Et ça livre vraiment une course contre la montre pour être la première qui va prendre le marché de la désalinisation de l'eau de mer, puisque c'est quand même un marché assez lucratif. Oui, tout à fait. Leur grande promesse à toutes les trois, c'est de réduire de 30% les coûts de production de l'eau dessalée. La première technique, l'osmose directe, comme son nom l'indique, on utilise l'osmose naturelle, la force normale, sans apport d'énergie ou presque. Grosso modo, si on prend l'osmose, si on met de l'eau douce à côté de l'eau de mer, l'eau douce va tranquillement, le niveau d'eau douce va diminuer pour aller augmenter celui de l'eau de mer. C'est ça. Et va diluer l'eau de mer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Jusqu'à ce que la concentration soit égale de part et d'autre. Exactement. C'est ça. Avec la technique, c'est qu'on va essayer de truquer un petit peu l'osmose et de l'utiliser à notre avantage. OK, comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va mettre l'eau de mer à côté d'une eau encore plus concentrée, qu'on appelle une solution d'appel. OK. Comme ça, l'eau qui est contenue dans l'eau de mer va s'en aller vers la solution d'appel. Appeler l'eau, c'est ça? Tout à fait. Et on va se retrouver, l'eau de mer, dans le fond, va laisser il va seulement y avoir le sel ou à peu près qui va rester de l'autre côté. Le truc là-dedans, c'est d'utiliser dans la solution d'appel un sel facilement évaporable, qui peut être évaporé facilement avec presque pas d'énergie. Donc, on n'a pas besoin de faire bouillir l'eau et on se retrouve avec de l'eau douce après l'avoir fait partir. Par curiosité, est-ce que tu as une idée du sel qu'on utilise? Parce que non, malheureusement, des sels volatiles, j'en connais pas beaucoup. C'est peut-être pas obligé d'être un sel en particulier. C'est une substance. Une composée dissous qui va, dans le fond, augmenter la concentration là, de la solution d'appel. Alors, je trouve que c'est assez ingénieux. Puis si on parlait maintenant de la deuxième technologie, le biomimétisme. En fait, je suppose qu'on essaie de copier certains principes qu'on trouve dans la nature. Oui, souvent la nature est beaucoup plus brillante que nous et elle a déjà pensé à beaucoup de ces solutions-là. Elle a eu le temps d'évoluer. Oui, tout à fait. On se sert encore d'une membrane pour séparer l'eau douce et l'eau de mer. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on utilise, c'est des canaux protéiques qu'on va mettre partout dans la membrane pour servir comme si on veut de trous de canaux pour pouvoir passer. Uh-huh. Ces canaux-là existent déjà. Ils sont dans plusieurs. On les retrouve dans plusieurs cellules, autant chez l'humain que dans d'autres espèces. On les appelle des aquaporines. C'est dans le fond des molécules qui agissent, si on veut, comme des agents de douane. Ils vont permettre à l'eau de passer, ils vont laisser les ions, les sels, entre autres, de l'autre côté. OK. Et comment ça se fait? Comment ça se procède? C'est la conformation de la molécule des aquaporines qui empêche tous les ions de passer. Ils laissent passer seulement les molécules d'eau. Tout à fait. Donc, dans le fond, là, c'est super simple. On aurait juste à mettre de l'eau en contact avec ces membranes-là, filtrer, et on se retrouve avec de l'eau douce de l'autre côté. OK. Et maintenant, si on regardait la technologie des les nanotechnologies pour voir. Oui, la troisième, dans ces trois solutions-là, elle implique des nanotechnologies. Okay. Si je vous dis nano, c'est sûr que vous avez une idée que c'est très petit. Oui. Mais à quel point? Mm-hmm. Prenez une règle de 30 cm, tout le monde en a une chez vous. Prenez 1 mm de cette règle-là. Mm-hmm. Donc une petite barre. Une des tout petites. Mm-hmm. Prenez un crayon puis essayez de la subdiviser en 1000. Mm-hmm. Vous allez vous casser la tête. Mais là, patientez encore parce qu'on est juste rendu au micron. C'est ça. Il faut encore prendre une de ces autres petites subdivisions-là puis leur diviser en 1000 encore avant d'atteindre un nanomètre. Alors, autrement dit, c'est comme 1 mm divisé par 1 million, quoi. Oui, en effet. C'est 1 milliardième de mètre. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Les nanotechnologies, c'est des assemblages ou des constructions qui sont entre 1 et 100 nanomètres. Pour vous donner une idée, un virus, c'est à peu près 50 nanomètres. Ah oui. Donc, c'est vraiment très petit. Dans le cas de l'eau de mer, pour ce qui nous intéresse pour la dessaler, c'est qu'on va faire des nanotubes de carbone, donc des tubes extrêmement petits, formés avec du carbone, et on va les replier pour former comme des pailles qu'on va mettre dans la fameuse membrane qui va permettre de filtrer l'eau de mer. OK. Et ce seront donc des nanotubes qui serviront de tuyaux pour faire passer l'eau, en fait. Mais qu'est-ce qui empêchera les sels de passer également? Principalement, le diamètre des tubes. Il est si petit que ça laisse passer seulement 7 molécules d'eau de large. Okay. Donc, c'est vraiment petit. Oui. C'est comme si on essayait de faire passer un ballon de plage dans un trou d'un trou de golf. Oui, je comprends. Mais en plus, c'est vu que les nanotubes, on les fabrique, il est possible d'ajouter des forces électrostatiques pour empêcher les ions de sel de passer. Comme ça nous assure d'avoir seulement des molécules d'eau de l'autre côté. Ce qui est plus incroyable, c'est qu'à des dimensions aussi petites que les nanomètres, les lois de la mécanique conventionnelle ne s'appliquent plus. Ben oui, hein? Oui, c'est assez spécial. C'est vraiment les propriétés de surface, propriétés des molécules qui sont plus importantes. Et si on applique les équations de mécanique conventionnelle, normalement, quand on réduit la taille d'un tuyau, l'eau passe moins bien. Mais là, en ce moment, ce qu'on observe, c'est que l'eau passe 10 000 fois plus vite que ce que les équations de mécanique conventionnelle auraient prédit. C'est quand même incroyable. Donc, ça. C'est assez. On peut pomper l'eau facilement au travers et éliminer le sel au passage. Ouais, c'est quand même formidable parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment la solution à la pénurie d'eau, si on peut dire? En fait, oui et non. C'est vrai que ça pourrait réduire, comme on l'a vu, ça permet de filtrer facilement. Fait qu'on pourrait réduire les coûts très facilement, mais il reste quand même beaucoup de problèmes. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Ah oui, parce que ça va générer énormément de sel. Il reste derrière. Est-ce qu'on le met dans nos repas? Déjà, je trouve qu'on mange très salé. Peut-être pas une bonne idée. Non. Le rejeter à la mer, je pense pas que c'est non plus que c'est une bonne idée. On va créer des problèmes locaux où on met les rejets. Et un autre problème, c'est la prise d'eau. L'eau de mer, ben, c'est pas juste de l'eau, c'est aussi un habitat. Donc, il y a beaucoup d'organismes marins. Oui, il y en a énormément. Donc, on prend des zooplanctons, on prend des œufs de poissons, des larves, etc. D'ailleurs, les États-Unis ont banni la part d'eau de mer tant qu'il n'y aurait pas une diminution de 90 % de la mortalité. Également, il y a le Fonds mondial pour la nature qui soutient que la désalinisation de l'eau de mer, c'est plus une distraction que la solution véritable. Mm-hmm. Étant donné, bon, justement, son coût élevé et les impacts environnementaux importants, on devrait plus l'utiliser conjointement à l'économie d'eau et de la gestion normale de l'eau, un peu plus serrée. Là, si donc, on quand on veut, en fait, une source d'appoint, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, quoique quand l'eau est rare, le gaspillage ne doit pas avoir la même valeur qu'ici où l'eau est abondante et où on peut la gaspiller, en fait, sans en payer personnellement un coût. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, merci beaucoup, Nicolas, pour cette De rien, chronique. Ça fait plaisir. Merci. Alors, on va passer en pause musicale. Après, on vous revient sur CKRL au 89,1.